Avez-vous quelquefois aperçu des veuves sur ces bancs solitaires, des veuves pauvres? Qu'elles soient en deuil ou non, il est facile de les reconnaître. D'ailleurs, il y a toujours dans le deuil du pauvre quelque chose qui manque, une absence d'harmonie qui le rend plus navrant. Il est contraint de lésiner sur sa douleur. Le riche porte la sienne au grand complet. Quelle est la veuve la plus triste et la plus attristante? Celle qui traîne à sa main un bambin avec qui elle ne peut partager sa rêverie? Ou celle qui est tout à fait seule? Je ne sais. Il m'est arrivé une fois de suivre pendant de longues heures une vieille affligée de cette espèce. Celle-là, roide, droite, sous un petit châle usé, portait dans tout son être une fierté de stoïcienne. Elle était évidemment condamnée, par une absolue solitude, à des habitudes de vieux célibataire, et le caractère masculin de ses mœurs ajoutait un piquant mystérieux à leur austérité. Je ne sais dans quel misérable café et de quelle façon elle déjeuna. Je la suivis au cabinet de lecture, et je l'ai pillée longtemps, pendant qu'elle cherchait dans les gazettes, avec des yeux actifs, jadis brûlés par les larmes, des nouvelles d'un intérêt puissant et personnel. Enfin, dans l'après-midi, sous un ciel d'automne charmant, un de ces ciels d'où descendent en foule les regrets et les souvenirs, elle s'assit à l'écart dans un jardin pour entendre, loin de la foule, un de ces concerts dont la musique des régiments gratifie le peuple parisien. C'était sans doute là la petite débauche de cette vieille innocente, ou de cette vieille purifiée, la consolation bien gagnée d'une de ces lourdes journées, sans amis, sans causerie, sans joie, sans confident, que Dieu laissait tomber sur elle depuis bien des ans peut-être, 365 fois par an.